Psaume 45. Machil des enfants de Corée, qui est un cantique nuptial, donné au maître chantre, pour le chanter sur ce zanim. Mon cœur médite un excellent discours, et j'ai dit, mes ouvrages seront pour le roi, ma langue sera la plume d'un écrivain diligent. Tu es plus beau qu'aucun des fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, parce que Dieu t'a béni éternellement. Ô très puissant, ceint ton épée sur ta cuisse, ta majesté et ta magnificence, et prospère en ta magnificence, sois porté sur la parole de vérité, de débonnaireté, et de justice, et ta droite t'enseignera des choses terribles. Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi, elles entreront dans le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours et à perpétuité, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, et tu es la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par-dessus tes compagnons. Ce n'est que myrrhe, aloès et casse de tous tes vêtements, quand tu sors des palais d'ivoire, dont ils t'ont réjoui. Des filles de roi sont entre tes dames d'honneur, ta femme est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, fille, et considère, rends-toi attentive, oublie ton peuple, et la maison de ton père. Et le roi mettra son affection en ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. Et la fille de Tyr, et les plus riches des peuples, te supplieront avec des présents. La fille du roi est intérieurement toute pleine de gloire, son vêtement est semé d'enchâssures d'or. Elle sera présentée au roi en vêtements de broderie, et les filles qui viennent après elle, et qui sont ses compagnes, seront amenées vers toi. Elles te seront présentées avec réjouissance et allégresse, et elles entreront au palais du roi. Tes enfants seront au lieu de tes pères, tu les établiras pour princes par toute la terre. Je rendrai ton nom mémorable dans tous les âges, et à cause de cela les peuples, te célébreront à toujours et à perpétuité.